voilier qui peu à peu fait naufrage. Seules les étoiles peuvent dire son âme. Ce qui le regarde avec des yeux d'enfant ne voit que son nom au soleil couchant. De ses voiles que le vent a porté sur toutes les mers, de cette corde qui a caressé et déchiré les vagues. Il ne reste que les lambeaux de toile versés par l'air. S'enfonce un peu.